rivière, petite lumière, reflète la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse, je commence à croire au fétiche d'âme chance. La nature va sourire, le reflet de lune tremble, et la case va s'ouvrir, c'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière, marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière, marabout d'Afrique dans la rivière. Ce soir sur la rivière, petite lumière, reflète la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse, je commence à voir au fétiche d'âme chance. La nature va sourire, le reflet de lune tremble, et la case va s'ouvrir, c'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière, marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière, marabout d'Afrique dans la rivière.